Capitaine et moussaillant, le vent nous pousse vers l'horizon. Ils sont les voiles qui tournent nos terres. Suivons l'étoile, venons la mer. Morgan, sur ton bateau, tu as monté. Capitaine et moussaillant, le vent nous pousse vers l'horizon. Ils sont les voiles qui dans nos terres. Suivons l'étoile, prenons la mer. Morgan, reprends courage. Dans les rafales, nous emportent. Que ne vois-tu? Jusqu'au rivage, capitaine.